Know you wanna know. Je jump Oscar de la Hoya. Faire des consomme Tony Sosa. Retournons Brésil, on est trop loin. J'passe des nuits blanches dans la J'ai la musique dans la peau. Mon cœur noir c'est dans ce manque. Sous ma capuche tourne en rond. Le vol se lève en compte. J'écris des cesses pour ses bombes. Tous mes lyrics deviennent sombres. T'entends mes peintures les ondes. Au premier rond tu t'effondres. Oh, X-Gangs, ce chapitre je viens lire ça à la prod. Aussi les boss et Goku, je vote la prod. Ma voix te fait froid dans le dos comme une prod. Tu flippes, me gratte, ta fête arrive plus haute, t'es gras, t'es pas les gras. Comme un contrôle, je me gratte, je viens yogra. Je paye abscès, tis gras, nique ton de gras. T'as bien entendu ton de gras. Bloc, on les piégé dans nos ringanis. Sans déjà sonner, traquons les. Jusqu'à les piller sans garder la monnaie. Privons les de leur liberté car ils aiment déconner. Bafons les psychologiquement, ils seront étonnés. Ton ordi t'envoie des coups de pression par mail. Tu télécharges une paire de couilles, tu finiras seul dans la corbeille. Je suis posé au cœur du bendo, dans le nord, wesh les rails. J'ai bien vu, rien entendu, rien à part le chant des sirènes. Mais non, poteau, c'est normal. Moi j'aime bien quand ça rafale. L'ennemi bat des ailes trop fort, je crois que Paris c'est bon dalle. Poteau, c'est normal. Moi j'aime bien quand ça rafale. L'ennemi bat des ailes trop fort, je crois que Paris c'est bon dalle. C'est tous les jours la même merde, les frères se perdent à la rue. Cherche du phobie, toujours le même problème. Le point faible, c'est la largeur du legging. Belleg avec qui tu traînes, avec qui tu ken. Et les Barbies se déguisent. Les gars qui ne répondent guère. En temps de guerre, on sait quoi faire, c'est méga. Quand je passe, tu guettes en bas, je brille mes feux comme un sapologue Zahiro. Congolais Kinshasa. Et ne t'inquiète pas pour moi, j'ai des hits pour un défini, ça ira. Dis bonjour aux marchands d'armes, nigga, tu n'as pas idée de ce que signifie Jonah, nigga. 3-23, tu me reconnais, moi je te connais pas, tu dis que j'ai changé, t'aimes trop les parts, va te faire enculer. Tu fais le warrior devant tous tes gars, elle tient tes couilles, t'as aucun pouvoir, respect moi, toi tu m'évoles, tu me parles de pas de volumilité, t'empêches de finir comme pas de bochi du bif. Si elle trouve que t'es pas beau, tu te vois la face, elle te mène en bateau. Et si je tremble, ce n'est pas la peur. Toujours en direct du Black Pearl. Est-il un chanteur ou un rappeur? L'amour est aveugle comme une arme. Mais ça va toi, ferme-la quand le King parle. J'amène quelque part, peut-être même dans un King Park. Ma petite sœur protège ton petit cœur. Johnny Mad Dog à bord de son pick-up. C'est un freestyle, n'est-ce pas? C'est un cyclas, c'est la secla. Vieux con, demande à Ritva. Ne l'écoute pas, on te revoit. Si t'es rapat, laisse des parts comme part de les Red Pass. C'est 9ème Z, les ambiances, on les aime, zem. Fais-nous de hâte, si t'as cette tu du zem. J'suis à l'antenne, ça tourne, est-ce pas Schengen? Toi t'as pas de Van Pizza, t'es Yudengen. On te respecte si tu parles le Wenzu. On te regarde si tu danses le Wenge. On te désarme pour de vrai à la Denzel. Et ça frappe fort, forcément à la Tenzen. Marre de taper pour un état qui s'en bat quasiment les couilles de ta façon de voir les choses. Personnellement, je suis dans les choux, regarde ma gueule. Est-ce que j'ai l'air de vouloir proposer mon boule? Dites à la juge de Bobigny que c'est conseil, moi je m'en. J'crois que mon négligé, mais tant pis, y'a pas de galère. Je vais passer dessus leur CP, ça va péter petit à petit. Peut-être qu'on va se parer, peut-être même qu'on va caner. Mais allez, j'nique sa merde, façon, on va tous y passer.